cœur ce matin, madame doit se montrer prudente. Taper sur le papier à grains l'oblige à être indulgente. Monsieur s'agit-il et berceau, opportunité à saisir. Planète ou chance, le temps est beau, il va enfin prendre du plaisir. Un jour banal, accroché au journal, une journée toute bête. Par les planètes sans superstition, l'horoscope a raison. Tadam tam tam, tournant les pages, la sueur monte. Aurais-je le courage, aurais-je honte? Découvrir mon destin sur le papier glacé d'un magazine féminin peut-être périmé. Un jour banal, accroché au journal, une journée toute bête juste, dictée par les planètes, sans superstition, l'horoscope a raison. Tadam tam tam, tadam tam tam. Faites-moi un signe astrologique. Mon avenir tient à une seule ligne, une seule rubrique. Accroché au journal, une journée toute bête juste, dictée par les planètes, sans superstition, l'horoscope a raison, raison bon, raison bon.